Elle a publié environ 16 livres, plus de 200 articles et contributions dans des ouvrages plus ou moins spécialisés. Je ne vais pas vous citer les titres de ces livres, mais c'est assez varié puisqu'il est surtout question des différents aspects du sujet, de la sociologie des religions. Mais le dernier, je crois que c'est le dernier, c'est la biographie que j'ai exacte, c'est « Qu'est-ce que mourir ?» Évidemment, il y a quelques rapports. J'ajouterai enfin que Mme Hervé-Léger a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2001. Comme vous le savez, les plus hautes distinctions décernées chaque année par le CNRS sont la médaille d'argent et ensuite il y a la médaille d'or, qui généralement est prévue au prix Nobel, dans certains cas tout au moins, mais il n'y a pas de prix Nobel en sociologie. Voilà. Alors, j'ajouterais, comme vous allez le voir, c'est un point important, que la sociologie, en fait, c'est pas moi qui vais le dire, mais vous comprendrez bien que la sociologie des religions, c'est aborde la question des religions d'un point de vue qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Je crois que Mme Hervé-Léger est particulièrement qualifiée pour s'inscrire dans le thème de cette année, c'est-à-dire religion et politique. Et sa conférence, je vais passer la parole tout de suite, est intitulée donc Renouveau des identités religieuses en Europe, deux points, une menace politique, point d'interrogation. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je veux d'abord dire que j'ai beaucoup de plaisir à me trouver ici parmi vous et je vous remercie. Je remercie beaucoup la Fondation de cette invitation. Je suis très reconnaissante à Thierry Montréal d'avoir précisé d'emblée, mais c'est toujours bon à dire quand il s'agit de religion, que mon point de vue est le point de vue scientifique sur les faits religieux et en aucun cas un point de vue de théologien, de croyant ou de partie prenante, si vous voulez, du fait religieux lui-même. J'observe les faits religieux en tant qu'ils me permettent d'essayer modestement d'entrer dans l'intelligence de la société. Et en fait, je suis sociologue, c'est le fait social qui m'intéresse. Mais j'y entre, je l'aborde, j'essaye de le mettre en perspective à partir de cette réalité sociale qu'on a pensée effectivement en voie de disparition et dont on a redécouvert assez brutalement et assez douloureusement, en un sens, la présence dans la vie sociale et dans la vie politique, qui est donc le fait religieux. Alors, je vais prendre un point de départ, une idée toute simple, c'est que nous serons tous rapidement d'accord pour considérer que l'histoire est traversée, tissée même dans la très longue durée, par les affrontements, les collisions entre le religieux, pouvoir religieux et pouvoir politique. Mais en même temps, une idée assez largement répandue, même si elle s'accompagne de la conviction que cette proposition ne vaut pas pour la planète entière, c'est que les sociétés démocratiques modernes, en un sens, auraient dépassé ce stade de l'affrontement entre le religieux et le politique, que ces sociétés modernes, contemporaines, je parle de sociétés occidentales, et c'est de cette seule ère culturelle que je traiterai aujourd'hui, que ces sociétés, en un sens, ont dépassé cette conflictualité qui a très lourdement marqué leur histoire, et que, en un sens, d'ailleurs, ces sociétés modernes sont définies par le dépassement, inscrit dans la séparation des sphères et dans la différenciation des institutions. Le religieux d'un côté, le politique de l'autre, des règles qui gèrent les relations entre ces deux domaines, on peut imaginer que, en gros, le temps des guerres religieuses et politiques dans nos sociétés est derrière nous. Si nous voyons ici ou là des formes de conflictualité ressurgir, nous les attribuons soit à une régression conjoncturelle qui est appelée à être résolue, liée par exemple à la transgression des frontières entre l'un et l'autre pouvoir, soit, et c'est assez fréquent en ce moment, soit nous l'attribuons à, nous faisons de ces conflits une sorte de produit d'importation qui nous viendrait d'ailleurs ou qui serait associé à la présence au sein de nos sociétés rejetée culturellement à l'OGM, mais appelée à s'intégrer, et notamment en assimilant les principes fondamentaux de la différenciation des sphères, qui est le socle de notre vie démocratique. D'où nous vient cette évidence communément partagée que la séparation du politique et du religieux est une dimension de notre modernité. Une dimension de notre modernité et même, au fond, un résumé, un concentré de l'histoire même des sociétés occidentales en tant qu'elles sont, en quelque sorte, l'expression, cette séparation du religieux et du politique, c'est le point d'aboutissement d'un long processus historique, processus très global, par lequel les sociétés occidentales ont dénoué les cordons de ce que Peter Berger, le sociologue américain, appelle le désacré, le sacré canopé. Ce désacré, c'est la manière dont, dans les sociétés prémodernes ou traditionnelles, la religion constituait en quelque sorte l'englobement, le cadre unifié de la vie sociale. Nos sociétés modernes se définissent en ce qu'elles sont sorties de cet englobement religieux. J'entends immédiatement la question qui va surgir, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas de grande part de mythologie dans l'idée selon laquelle ce religieux plein des origines aurait été à ce point plein, cette idée selon laquelle tous les individus et l'ensemble de la société auraient été ainsi placés sous l'emprise du religieux. Si l'on raisonne si l'on essaye d'imaginer une emprise absolue et sans faille sur les consciences et les comportements, il est évident que c'est un mythe. Et c'est un mythe, d'ailleurs, si ça n'avait pas été un mythe, nous y serions encore. Il faut qu'il y ait des failles et des écarts pour qu'on puisse tout simplement sortir de cette emprise. Non, ce qui est fondamental dans cette vision d'une emprise du religieux sur les sociétés traditionnelles, c'est la vision que ce monde était régi par des lois que les individus, que les groupes sociaux n'avaient pas le sentiment de s'être donnés à eux-mêmes, mais dont ils pensaient, dont ils supposaient qu'elles leur venaient d'ailleurs. Qu'elles leur venaient d'ailleurs de la loi divine, qu'elles leur venaient de l'immémorialité de la tradition léguée par les ancêtres, eux-mêmes les pieds, etc. Donc c'est sous cet angle que la culture pouvait être dite religieuse, même si bien entendu, comme dans toutes les sociétés du monde, il y avait des hommes plus ou moins religieux, plus ou moins soumis à ce type d'emprise. Alors ce qui marque spécifiquement la rupture de la modernité de ce point de vue, c'est, au fond, j'aimerais le dessiner rapidement autour de trois idées principales. Ce qui marque la rupture de cet englobement religieux du monde, c'est d'abord dans la société occidentale, un premier trait fondamental qui est l'avancée de la rationalité instrumentale qui suit le développement de la science et de la technique. Le monde moderne est un monde dans lequel la science et la technique ont une part absolument énorme et ont très progressivement, dans la très longue durée, accrédité l'idée que les hommes ont la possibilité d'entrer dans l'intelligence de ce qui pouvait être considéré comme des lois de la nature, d'agir sur elles, de modifier leur environnement. Bref, dès lors qu'on imagine que la foudre est un phénomène électrique, on n'imagine plus que s'y exprime la volonté ou la colère des dieux. Donc, phénomène de rupture avec la vision religieuse du monde qui se joue d'abord sur le terrain de cette avancée de la science et de la technique. Au moins aussi important pour expliquer cette rupture du monde religieux traditionnel et qui est propre à la modernité, qui est même le lieu, je ne dirais pas, où la modernité se constitue, plus important encore en un sens, plus spécifique, l'affirmation de l'autonomie du sujet. Une autonomie du sujet qui, elle aussi, vient de loin, mais va se cristalliser dans les révolutions politiques à partir du XVIIIe siècle, des révolutions politiques dans lesquelles la capacité de l'homme doué de raison de définir lui-même en conscience ce qu'il considère comme le bien et le mal, de se rapporter aux autres, de délibérer avec d'autres et de produire avec d'autres le sens de la société dans laquelle il vit, cette construction, cette révolution d'autonomie est évidemment caractéristique des sociétés occidentales et spécifiquement de ce moment du XVIIIe siècle dans lequel l'autonomie s'affirme sur le terrain politique avec l'émergence de la figure du citoyen, celui qui, en tant qu'il est précisément un individu doté de raison et de capable d'autonomie, est capable, avec d'autres sujets autonomes, de produire la loi qui régit la société. Autrement dit, l'affirmation de l'autonomie de l'individu opère, hein, par rapport à la vision d'un monde religieux hérité du passé, un formidable renversement. Le renversement, Marcel Bouchet par exemple a amplement thématisé, le renversement de la souveraineté. La loi descendait du ciel, elle était l'expression d'une volonté divine et qui se déclinait à travers toutes sortes d'impératifs fixés aux hommes. La loi désormais monte du bas, elle procède de la volonté collective du peuple, de la communauté des citoyens. Ce renversement de la souveraineté est évidemment le lieu où se joue une rupture majeure entre le religieux et le politique, c'est-à-dire la capacité autonome du politique de s'affirmer face à la loi religieuse. De ces deux traits, des magifications, pour employer le mot de Max Weber, qui est plus juste que celui de désenchantement, du monde lié à la science et à la technique, entrer dans un questionnement qui met la question du comment avant celle du pourquoi, qui fait passer cette question du comment au premier plan, et d'autre part, autonomie d'individus capables de produire la loi qui les régit, eh bien on peut comprendre comment, à partir de là, les différentes sphères de l'activité humaine vont se séparer, s'autonomiser, prendre fonctionner selon la règle du jeu qui leur est propre, et toute l'histoire de la construction de la modernité est celle de l'arrachement progressif de l'économie et du domestique qui se séparent, de l'art et de la religion qui se séparent, de la culture qui se donne par rapport au politique, et fondamentalement du politique qui s'arrache en quelque sorte à l'emprise du religieux. On a une sorte de type idéal de la modernité, au fond la science, l'autonomie, la différenciation des institutions. Au terme, la religion est une sphère d'activité parmi d'autres dans lesquelles on entre parce qu'on choisit, on est croyant, mais on peut très bien ne pas être croyant. La liberté religieuse trouve ici son fondement. On peut être parfaitement bon citoyen, intégré dans son groupe social en étant croyant ou en n'étant pas croyant, mais la société en retour garantit aux croyants la possibilité d'exercer leur foi et les pratiques qui vont avec dans les limites de l'ordre public. Ce type idéal de la modernité, il incorpore dans toutes ses dimensions, vous le voyez, l'idée d'un repli, d'une éviction de la religion aux marges de la société, le fait qu'évoquait Thierry Montréal tout à l'heure en disant qu'il y a encore 30 ans, ça paraissait saugrenu de s'intéresser scientifiquement aux religieux, surtout si voulait le saisir dans les sociétés occidentales, était en quelque sorte une des conséquences de cette logique. C'est-à-dire que c'était un objet, à quoi bon s'intéresser à un objet en voie de disparition. Ou en tout cas, en voie de privatisation, il reste bien sûr des croyants, mais ces croyants sont des individus qui choisissent de mener leur trajectoire spirituelle et leur expérience spirituelle. Ce n'est plus un principe organisateur de nos sociétés. Et donc, de ce point de vue-là, la clé de la modernité politique se trouve ici dans cette autonomie prise à l'égard de la religion. Ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai commencé à plonger dans les pères fondateurs de la sociologie des religions, c'est que quel que soit le type de vision qu'ils avaient du social, et Dieu sait que ces visions étaient différentes et voire antagoniques, mais qu'on lise Marx, qu'on lise Max Weber, qu'on lise Durkheim, qu'on lise Simmel, quelque chose qui est absolument frappant, c'est à quel point, pour penser ce qui était leur problème, quel est le sens du monde moderne, quel est le sens de cette modernité dans laquelle nous sommes pris, tous ont braqué le projecteur sur le religieux, toujours d'ailleurs pour expliquer, avec d'ailleurs des logiques explicatives très profondément différentes, pourquoi ce religieux n'était plus le principe qui régissait l'ensemble du monde social et humain. Mais aussi, ces mêmes pères fondateurs, et évidemment surtout Max Weber, insistaient, là, c'est quelque chose qui est tout de même extrêmement intéressant pour nous aujourd'hui, insistaient sur le rôle que la religion avait joué elle-même dans ce processus qui progressivement La question que pose Weber, qui est de se dire, bon, qui est vraiment la clé de toute l'œuvre de Weber, dont on connaît en général que la fin de la trajectoire, à savoir l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais qui est précédée par toute une série de travaux sur les différentes religions du monde. La question que pose Weber est la suivante, c'est pourquoi est-ce autour de la Méditerranée, hein, toute petite zone culturelle, pourquoi est-ce autour de la Méditerranée, dans cette ère qui n'est pas spécialement, qui n'est pas plus extraordinaire que d'autres, du point de vue de l'accumulation des savoirs, de l'accumulation des connaissances, du développement de la science, il y avait le monde arabe, le monde chinois, l'Inde, pourquoi est-ce dans cette zone-là qu'un certain nombre des idéaux que nous considérons aujourd'hui comme des valeurs universelles ont pu prendre corps? Alors, cette question, on peut, si vous voulez, en allant au-delà de ce que dit Weber lui-même, mais enfin, on peut le dire de cette façon. C'est-à-dire que la réponse que cherche Weber, c'est que c'est dans le modelage culturel opéré par les traditions religieuses dans cette ère-là que ces idéaux ont pu prendre corps. Alors, parmi ces idéaux, il cite à la fois la science moderne, la démocratie, la bureaucratie, qui pour lui n'était pas du tout péjorative, mais signifiait simplement l'administration dans ses principes les plus nobles, les mathématiques, telles que les pratiquements, enfin, certaines formes du calcul algébrique, par exemple, ou encore la musique de Bach, parce qu'il était allemand, et donc parmi les grandes logiques d'universalisation, il plaçait assez normalement la musique de Bach. Bref, questionnement qui le conduisait à interroger ce substrat religieux de la culture occidentale et qui l'amenait à considérer en particulier le rôle de l'éthos économique des différentes religions dans l'émergence de cette modernité a-religieuse, a-privative, ou dans lequel le religieux est repoussé dans la sphère privée. Je schématiserai au fond, mais en allant, je répète, en poussant un peu Weber, au fond, il y a deux grands moments de ce modelage religieux qui prépare notre modernité. C'est le moment juif, bien entendu. L'invention principale du judaïsme n'étant pas le monothéisme, mais puisqu'il y a d'autres traces et d'autres attestations de la présence du monothéisme dans d'autres cultures et même antérieures, ce qui est important dans le judaïsme et qui est totalement original et propre au judaïsme, c'est la notion d'alliance. C'est cette idée absolument sidérante du point de vue de l'histoire des religions d'un Dieu qui fait une alliance, un contrat avec son peuple. Pour qu'il y ait contrat, pour qu'il y ait alliance, il faut avoir deux termes à l'alliance. Il faut qu'en face de Dieu, il y ait un peuple qui soit capable de dire oui ou non. D'ailleurs, il passe son temps à dire non, et donc les prophètes viennent lui dire tous les malheurs qui vont lui arriver parce qu'il a rompu l'alliance. Mais ce peuple, il tient dans ses mains, de façon autonome, la possibilité de construire l'histoire. Donc l'autonomie de l'histoire, elle se joue très puissamment dans cette idée d'alliance. Et on peut dire que le christianisme, ce second moment, va donner une nouvelle impulsion à cette inauguration de l'autonomie de deux façons. D'une part, en universalisant l'alliance est pour tous les hommes et pas seulement pour le peuple élu, et du même coup, en l'individualisant, c'est chacun qui est appelé à la conversion et non pas le peuple seul. Donc, la dialectique de l'individu et de l'universel qui est absolument caractéristique justement de cette nouvelle pensée de l'autonomie. Or, là, on mesure à quel point le travail religieux, le modelage religieux de la culture a produit ce refoulement de la religion comme principe régulateur de la totalité du social en mettant en avant donc cette notion d'autonomie, je répète, le 18e est de ce point de vue-là l'aboutissement d'une trajectoire, mais qui a des racines bien antérieures, et en particulier, bien sûr, dans le moment de la réforme qui va, sur le terrain proprement théologique, construire l'idée de l'individu qui est là, dans cette sorte de nullité, de solitude, qui est le face-à-face avec la grâce. Donc vous voyez que là, on va bien au-delà de l'idée un peu facile de la le principe de séparation du religieux du politique serait simplement à référer mécaniquement à la distinction évangélique entre Dieu et César. Oui, bien sûr, sauf que dans l'histoire, il y a eu des tas de moments où le moins qu'on puisse en dire, c'est que Dieu et César continuaient à se, si j'ose dire, à se marcher sur les pieds, enfin en tout cas, à, indiscutablement à se confronter, à s'affronter et à se mettre en dépendance mutuelle. Là, au contraire, on est devant un dispositif beaucoup plus complexe, mais qui aboutit à ce phénomène. La religion est du côté de la sphère privée. Ce qui ne veut pas dire que la croyance religieuse disparaît, mais qu'elle est désormais l'affaire du sujet, l'affaire de l'individu. Et le texte clé de ce point de vue-là, c'est bien sûr le petit opuscule de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?» Quand Kant identifie les traits caractéristiques des Lumières, eh bien, l'un des traits majeurs, c'est le passage du religieux dans la sphère privée. Donc le politique, d'un coup, l'espace est dégagé pour le politique, et le politique gagne pleinement sa propre autonomie. Avec des modèles historiques très différents. Cette problématique politique de la séparation, elle va émerger dans des conditions très très différentes. En France, par exemple, où tout se joue dans le choc révolutionnaire, dans l'affrontement qui va donner lieu pendant plus d'un siècle, un siècle et demi, à la guerre des deux France, avec ces deux cultures, l'une religieuse, l'autre politique, qui vont s'affronter. Mais ce modèle de la séparation qui est en quelque sorte l'aboutissement, la loi de séparation qui porte ce nom, qui est l'aboutissement de ce processus, est un modèle, il y en a d'autres, le modèle américain en est un autre, à ceci près que le principe de séparation est aussi puissamment affirmé, sauf qu'il fonctionne dans un sens complètement différent du père français. En France, la séparation a été inventée pour protéger la République des empiétements de l'Église romaine. Aux États-Unis, la séparation a été inventée pour protéger la liberté religieuse individuelle des empiétements de l'État. Ce qui fait qu'on a deux modèles de séparation, tout aussi rigoureux l'un que l'autre, mais qui ont beaucoup, beaucoup de mal à se comprendre. Il y a là une situation qui montre bien que le schéma général que j'évoque s'inscrit toujours dans des situations historiques. Alors, ce schéma idéal typique, et j'en viens à un deuxième aspect, c'est qu'il est simple, il donne une vision très clarifiée des rapports du régime politique, sauf que on sait bien que les choses ne sont pas exactement aussi simples. Elles ne sont pas exactement aussi simples, et je voudrais essayer de vous présenter les questionnements à travers lesquels a été remis sur le métier ce problème qui pouvait sembler résolu à partir du moment où on avait cette définition simple et bétonnée en quelque sorte de la modernité. Qu'est-ce qui a amené à remettre sur le tapis et à approfondir la question des rapports du religieux et du politique? D'abord, le premier questionnement, il est venu de l'observation de la survie du religieux, non pas des religions, mais du religieux, au cœur même du politique. Le religieux comme forme particulière de croire, présent dans la manière de concevoir le politique lui-même. Alors, la référence la plus simple et la plus accessible, et immédiatement parlant, c'est celle du communisme, dont Raymond Aron a pu dire, de façon qui n'était pas analogique, que, au fond, il fonctionnait comme une religion séculière, comme une religion de substitution. Pourquoi ? Parce que, au fond, disait-il, dans le communisme, on a des croyances, et notamment une eschatologie, la représentation d'un monde accompli plus tard, hein, le communisme réalisé. On a une institution avec une structure hiérarchique de l'autorité qui met en branle toute une série de fonctionnements. Il y a des rituels, il y a des pratiques d'ascèse, il y a même, pourquoi pas, des expériences d'extase. Là, je déborde ce que dit Raymond Aron, mais simplement, les expériences d'extase, je vois des signes d'étonnement, des expériences d'extase liées tout simplement à la ferveur collective. Défiler sur la place rouge pouvait être un moment de ferveur collective de l'ordre de l'expérience religieuse. Donc, il y a là une analogie, certainement dans la pensée d'Aron, qui renvoie à quelque chose de plus fondamental, à savoir que des caractéristiques propres du religieux peuvent parfaitement se retrouver dans la sphère politique et même à un point tel, avec un tel degré de saturation, qu'on peut se demander si une religion ne s'est pas substituée à une autre. Et en effet, on peut se poser la question dans le cas du communisme. De façon plus générale, on peut dire que le repérage dans les pratiques politiques de ces phénomènes d'institutionnalisation, de cléricalisation avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, de croyances, de ritualités, de pratiques ascétiques à travers le militantisme, tout ceci peut rejoindre toutes sortes de descriptions sociologiques du religieux et leur convenir fort bien. On peut même retrouver dans le politique cette tension, décrite non plus par Weber et par Durkheim, entre le religieux émotionnel, celui de la ferveur, celui des croyances partagées d'un côté, et puis l'ordre, la manière de représenter les rapports humains comme organisés, ordonnés. Je prends d'autres terrains sur lesquels on a commencé à interroger le politique, je répète, je parle ici comme sociologue des religions, à interroger le politique lui-même avec les outils de la sociologie des religions. Autre question très intéressante de ce point de vue, le charisme. Le charisme, il y a une telle banalisation du mot charisme que ce que je dis là semble avoir aucun caractère curieux. C'est relativement récent d'avoir banalisé à ce point le mot charisme pour dire que quelqu'un, dès qu'un chef d'entreprise, dès qu'un leader quelconque a un petit peu de capacité de s'exprimer publiquement et d'entraîner l'adhésion des foules, on dit bon, il a du charisme. Mais le mot charisme est un terme extrêmement technique qui rend, du point de vue sociologique, qui renvoie à la possession par un individu d'une sorte de révélation propre qu'il propose autour de lui comme une norme nouvelle. Pratiquement tous les grands fondateurs de religion sont des porteurs de charisme. Et ces porteurs de charisme, on s'est mis à se dire, mais il y a au fond, il y a des figures du politique, il y a des figures d'individus en politique qui répondent pleinement à cette description qui caractérise en principe le religieux. Autre question qui permet de réfléchir à la manière dont le religieux, de façon invisible, silencieuse ou non dite, travaille encore dans ses fonctionnements le politique, avec les questions de la communauté. Les questions de la communauté, songez par exemple à ces deux représentations de la nation comme communauté, communauté nationale, deux versions différentes, celle de Renan, le plébiscite de tous les jours, on y rentre comme un converti. Je dirais qu'en termes weberiens, je pourrais dire que c'est une conception de type secte de la nation. Il n'y a aucun jugement de valeur de nos sectes. Là encore, ce n'est pas le mot banal, c'est simplement le groupe religieux dans lequel on entre converti. Il faut choisir la nation tous les jours, selon Renan. Et puis la vision, je dirais, de type église, toujours avec beaucoup de guillemets, qui pourrait être celle de Fichte, conception du sol, de la transmission, de la lignée, de l'enracinement. Bon, là aussi, deux visions un peu forcées l'une et l'autre, puisque dans la problématique allemande et dans la problématique française de la nation, en réalité, les deux dimensions, celle de l'enracinement et celle de l'adhésion, se croisent toujours. Néanmoins, il y a là des thématiques qui, pour un sociologue de la religion, le renvoient immédiatement à ces objets et à ces disciplines. Donc, on s'aperçoit que le parcours de la sécularisation du politique n'a pas dénoué cet investissement du religieux à travers le politique. Et même, paradoxalement, ce processus de la sécularisation, cette modernité autonome par rapport aux religions, peut, dans un certain nombre de cas, se réactiver du fait même de la sécularisation en réhabilitant la religion elle-même. Un exemple, l'énigme. Énigme que représente au début des années 70 le renouveau de l'évangélisme protestant aux États-Unis. C'est une question très mystérieuse. Pendant 40 ans, les évangéliques protestants se tenaient à distance de la scène politique, n'avaient qu'un seul souci, ne pas y entrer parce que c'était le royaume du mal, et avaient comme principale préoccupation, principale bataille politique, d'essayer de lutter pour l'enseignement du créationnisme dans les écoles, ou bien de lutter contre l'ouverture du supermarché pour vendre de l'alcool le dimanche. Non, c'est un combat politique relativement limité. Ces évangéliques politiques qui se tenaient à l'écart de la scène politique, ils rentrent dans les années 80. Qu'est-ce qui peut expliquer du point de vue d'une sociologie réelle. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retournement? Ce retournement, je pense qu'il prend sens si on le réfère à un moment culturel dans lequel la capacité de l'Amérique, après la débâcle vietnamienne, la capacité des États-Unis de produire un discours cohérent sur la mission américaine, le doute qui a saisi l'Amérique après la débâcle vietnamienne, cette crise de l'eschatologie traditionnelle de l'Amérique a produit donc cette espèce de sécularisation, de perte de la dimension implicitement religieuse du politique aux États-Unis qui se jouait dans la religion civile. La perte de cette dimension produit paradoxalement un retour de flamme confessionnelle qui va favoriser cette réaffirmation d'une mission, alors là, sur le terrain des religions historiques. Donc le film n'est jamais, jamais joué. Et ces effets, ce qui est, me paraît très intéressant dans la période que nous vivons, c'est la façon dont cette présence du religieux au cœur du politique peut être activée par la dérégulation du religieux lui-même. En effet, la scène religieuse contemporaine est une scène caractérisée par, les vieilles théories de la sécularisation valent parfaitement, par un affaissement de l'emprise des institutions religieuses. Les institutions religieuses sont beaucoup moins puissantes aujourd'hui que nous l'étaient il y a 100 ans, elles ont beaucoup moins de capacité d'intervenir dans la vie publique. Cet affaissement des institutions religieuses ne signifie pas, je l'ai dit tout à l'heure, que la croyance est disparue. Les croyances continuent, mais les croyances, elles prolifèrent à partir de l'individu, à partir des aspirations de l'individu à l'accomplissement de soi, à travers la diversité des attentes spirituelles dans lesquelles les individus aujourd'hui disent « je me fabrique ma petite religion ». Mais cette petite religion qu'ils se fabriquent, ces bricolages individuels du sens, qui sont un des traits majeurs de la scène religieuse contemporaine, ils tentent à faire des traditions religieuses des stocks de symboles disponibles pour la multitude de ces réemplois. Et cette matière première disponible peut parfaitement servir alors à combler des déficits d'identité politique, des déficits d'identité sociale, des déficits d'identité culturelle. Et c'est à ça qu'on assiste de façon assez frappante aujourd'hui. On s'aperçoit que l'émiettement, la dissémination des petits récits de croyances qui puisent de façon complètement libre et non contrôlée dans le stock des grandes traditions religieuses produit sur la scène politique un certain nombre d'effets, c'est-à-dire la remontée de formes d'expression d'identité collective religieuse littéralement réinventée. Ceci est un problème majeur. On voit par exemple aujourd'hui il n'y a pas de retour de l'islam. Il y a de multiples petits bricolages identitaires à partir d'une référence à un islam souvent inventé par une génération qui n'a jamais été au contact effectif d'une tradition religieuse musulmane organisée. Ces processus de reconstruction identitaire favorisent au cœur même du politique des réhabilitations religieuses avec lesquelles nous avons beaucoup de mal à composer. Nous sommes donc dans une situation où nous voyons là se dessiner, dans ce double mouvement, d'un côté l'effondrement d'un grand dispositif religieux du sens transmis par des institutions et contrôlé en quelque sorte par en haut, et d'autre part cette prolifération d'une croyance qui favorise le bricolage des petites identités. On voit bien que se joue là la question centrale du religieux et du politique aujourd'hui, qui est la possibilité aujourd'hui de construire un récit collectif qui soit un récit du nous. La capacité de se doter d'un récit commun qui puisse être le récit partagé de nos sociétés. Cette question qui localise un immense problème qui est celui du déficit du discours politique, de sa capacité de fixer à nos sociétés projet, un horizon, des idéaux mobilisateurs, ce déficit du projet politique favorise paradoxalement la mobilisation échevelée des petites traditions religieuses pour fabriquer des petits récits qui viennent combler en hâte ce déficit du grand récit collectif. Les religions deviennent donc la matière première d'une mise en récit, non seulement de soi-même, c'est vrai pour les individus, mais aussi pour les groupes humains, avec des effets sociaux et politiques assez redoutables, qui peuvent être redoutables, je le répète, en particulier quand cette production des petites identités, de ces petites identités collectives bricolées à partir de cette matière première religieuse. Michel de Certeau avait une très jolie métaphore pour évoquer ces processus de bricolage. C'est, au fond, tout se passe comme si les mots d'une phrase s'échappaient en quelque sorte de la phrase dans laquelle elles étaient écrites, c'est-à-dire se déboîtaient de la syntaxe qui les organisait dans une phrase, et puis se recombinaient sur la page dans une nouvelle combinaison de sens. Avec les traditions religieuses, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. On est un peu dans cette situation où la syntaxe, c'est-à-dire la logique du grand récit religieux, est largement perdue parce que les transmissions ne sont pas faites, parce que la continuité des représentations partagées a été brisée d'une manière ou d'une autre. Et dans ce vide, se refabriquent de petites identités qui ont besoin de se valider entre elles, donc qui communiquent, qui s'agglutinent et qui se posent les unes à côté des autres par différenciation et à travers une série de conflits toujours susceptibles de renaître. Il y a donc, si vous voulez, une sorte de croisement aujourd'hui d'une situation qui est très redoutable du point de vue politique, qui est le croisement d'un côté d'une grande difficulté, aussi bien pour les individus que pour les groupes humains, à produire le récit, la mise en forme narrative qui leur permet de se raconter à eux-mêmes leur propre vie, c'est-à-dire de donner un sens à leur propre existence. Il y a une très grande difficulté qui est liée à toutes sortes de circonstances, l'extrême mobilité, la perte des enracinements, la rupture des communautés naturelles à l'intérieur desquelles les gens endossaient leurs identités, notamment dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine politique. On est dans une famille, cette famille est une famille catholique, une famille protestante, une famille communiste. Progressivement, on endossait cet habit identitaire. Aujourd'hui, la mobilité, la rupture de ces communautés produit un très grand évitement de ces logiques de la fabrication identitaire. Chacun est en quelque sorte livré à l'impératif de devoir fabriquer lui-même, avec les moyens du bord, avec les ressources disponibles, son propre récit de sens. Il le fait et il le valide avec d'autres dans des logiques communautaires qui sont extraordinairement variées. Et cette crise, en quelque sorte, de la construction identitaire dans une société où les grands récits ont tous subi des assauts extrêmement forts, rencontre le déficit du projet politique lui-même en tant qu'il n'est plus capable ou très difficilement de penser un avenir commun, de penser un horizon partagé, de penser sinon une utopie à l'échelle de la société, mais au moins ces moyennes transcendances, comme disait Thomas Luckmann, qui permettent de construire des projets partagés, des projets communs et mobilisateurs. Et cet évitement de la politique comme projet collectif redouble des phénomènes de bricolage que j'évoquais tout à l'heure, ouvre un véritable boulevard pour les bricolages narratifs communautaires qui font, avec les ressources symboliques disponibles, au premier rang desquelles le matériau inépuisable de traditions religieuses dont l'accès est libre, qui sont en fait désormais en accès libre, chacun peut se servir et combiner son récit de sens, le contexte de la dérégulation institutionnelle des religions associé à ce déficit du politique, crée évidemment les conditions idéales pour une remontée en puissance d'affirmation identitaire extraordinairement imprévisible, et c'est bien là le problème. On peut dire que ceci est un fait de conjoncture, lié à un moment de basse eau de la créativité collective. On peut considérer que se joue là quelque chose, une faiblesse fondamentale d'un stade actuel de nos démocraties qui ont énormément de mal à prendre en charge la représentation de leur propre continuité. En tout cas, il est évident pour les sociologues des religions que les sociétés sécularisées, rationnellement désenchantées, construite sur le principe de l'autonomie des sujets citoyens, eh bien ces sociétés sécularisées sont loin d'en avoir fini avec la religion et ses menaces potentielles.